L'amour est un ready-made. L'amour est un ready-made. L'amour est un ready-made. L'amour est un ready-made. Je vais dans différents pays pour y faire la même chose. Je vais dans différents pays pour y faire la même chose. L'amour est un ready-made. L'amour est un ready-made. Made. L'amour est un ready-made. L'amour est un ready-made. Made. Le cœur est une vague remplie. Rempli de gros poisons. Le visage d'un ulcère. Un ulcère qui peut voir. L'amour est un ready-made. L'amour est un ready-made. L'amour, l'amour est un ready. L'amour est un ready-made. Dans le vacarme, dans mes mains. Dans ce bruit, le corps fait facteur. Nous consommons les messages. Nous courons à notre insu. L'amour est un ready-made. L'amour est un ready-made. L'amour, l'amour est un ready. L'amour, l'amour est un ready-made. Je lis sur ses lèvres avec mes lèvres. Le bras est sur l'amour. J'impose les dos et j'impose la vis. Quand je frappe les veines. L'amour est un ready-made. L'amour est un ready-made. Made. L'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour est un ready-made. L'amour est un ready-made, you know. Avec des torches qui égazent, je noircis les visages. Avec des torches et des gaz, je noircis tous les visages. Je donne le visage d'un ulcère. Un ulcère qui peut voir. Le visage d'un ulcère. Un ulcère qui peut voir. L'amour est un ready-made. L'amour est un ready. Ce profil en a d'autres. Étendu dans le milieu de la nuit. Cette couverture est une robe. Les yeux sont une acre qui s'épuise. Cette hanche dans les nuits sèches. Cette hanche est l'instrument. Détachable de l'ensemble. Détachable de l'ensemble. Ce profil en a d'autres. Ce profil en a d'autres.